Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire « Autant en emporte le vent », le plus grand succès de l'histoire du cinéma américain. Fred! Si vous partez, où vais-je aller? Que vais-je devenir? Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis. Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis. Frankly, my dear, I don't give a damn. Cette réplique du film Autant n'emporte le vent est devenue l'une des répliques les plus célèbres de toute l'histoire du cinéma. Et le film lui-même, Autant n'emporte le vent, Gone with the Wind, dans sa version originale, figure en tête de liste des films les plus populaires de toute l'histoire. Le film fera plus de 200 millions d'entrées aux États-Unis et va récolter un total de 8 Oscars en 1940. La guerre aurait-elle éclaté? Monsieur, vous auriez pu manifester votre présence. Au beau milieu de ce magnifique duo d'amour, c'eût été par trop manquer de tact, je le crains. Mais n'ayez pas peur, je serai muet comme une tombe. Monsieur, vous n'êtes pas un gentleman. Et vous n'êtes pas une lady. Oh. Loin de moi la pensée de vous en faire un reproche. Les femmes du monde n'ont aucun charme pour moi. Votre attitude a quelque chose d'ignoblement bas, et vous m'insultez en plus. C'était de ma part un compliment. Et j'espère bien vous voir de nouveau quand vous ne serez plus sous le charme de l'élégant M. Wilkes. Je n'ai pas eu l'impression qu'il fût à la hauteur de votre... Comment était-ce? Votre passion de la vie? Je vous interdis! Vous n'êtes pas digne de cirer ses bottes! Dire que vous deviez le haïr toute votre existence! C'est un extrait de la scène de la rencontre entre Rhett Butler et Scarlett O'Hara dans le film « Autant en emporte le vent » que vous venez d'entendre, pour nous raconter la petite histoire de ce grand classique qu'est « Autant en emporte le vent », que continue d'être « Autant en emporte le vent ». Je reçois Michel Coulombe, qui est chroniqueur cinéma à notre radio et à notre télévision. Michel Coulombe, bonjour. Bonjour Jacques. C'est encore, aujourd'hui encore, « Autant en emporte le vent », le plus grand succès de l'histoire du cinéma américain, Michel? Le plus grand succès en salle sur le marché intérieur, qui comprend les États-Unis et le Canada. 201 millions de spectateurs. Il faut dire que le film est sorti une dizaine de fois. On le ressort régulièrement. Son plus proche concurrent, parce que souvent on parle de dollars quand on parle de cinéma, mais quand on parle de spectateurs, son plus proche concurrent, Star Wars, le premier épisode, 178 millions. Donc on est une 23 millions derrière. Ouais. Alors vous voyez à quel point c'est un grand classique du cinéma américain, mais un grand classique du cinéma des studios qui parle, donc c'est l'âge d'or d'Hollywood, qui parle en fait de l'identité américaine, parce qu'on affirme très fortement dans ce film l'identité sudiste, et on parle d'un événement récent, un événement grave, qui est effectivement cette guerre civile américaine, ce qu'elle a laissé comme trace. Dans les années 30, c'est pas complètement disparu. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas complètement disparu. Parce que ce film-là, tout le monde l'a vu, ou à peu près. Aux États-Unis, ça fait partie de leur ADN. C'est une icône, c'est un classique, vraiment. Absolument, c'est une référence culturelle. Ouais. Parce que, de fait, il a été présenté souvent en salle. Il ressort autrement sur d'autres écrans de façon très régulière. Et les personnages sont devenus iconiques. Ouais. Rhett Butler et Scarlett O'Hara, parce que ce sont des personnages qui ont de la personnalité. Oui. Grand succès populaire, donc, un élément important de la culture populaire américaine sur le plan purement cinématographique. Vous êtes critique de cinéma. Comment il est perçu, ce film-là, par les professionnels du cinéma, par les cinéphiles? Au départ, il y a eu une certaine résistance d'une partie de la critique parce que, bon, c'est trop foisonnant. C'est un film très long qui fait plus de 3h30. Donc, on a voulu effectivement rentrer dans le film tout ce qui était le roman de Margaret Mitchell qui fait à peu près 1000 pages, un peu plus de 1000 pages. Donc là, on a trouvé qu'il y avait un trop-plein. Avec le temps, ça s'est atténué parce que c'est devenu le classique absolu. Donc, les réserves sont disparues. Mais il faut dire que sur le plan cinématographique, il y a de l'expressionnisme, il y a un travail sur les couleurs. Chaque partie, il y en a quatre, est dominée par une couleur. Par exemple, l'incendie d'Atlanta, c'est le rouge. Il y a un travail sur les arrière-plans et les personnages devant. Il y a vraiment une patte dans ce film qui impose le respect. Mais c'est sûr qu'avec le temps, le jeu appuyé, par exemple, de Vivien Leigh dans le rôle de Scarlett O'Hara, qui fait des clins d'œil au public, voilà, je suis fâché, non, je suis pas fâché, ça, ben, ça a peut-être un peu vieilli, comme certains moments où ça paraît un peu excessif. Aujourd'hui, on va privilégier davantage de réserves. Ouais. Un petit mot sur le roman, vous l'évoquez, avant d'être un film, avant d'être le grand succès que ce sera au cinéma, c'est un grand succès en littérature. C'est, au départ, Autant n'emporte le vent, un roman de Margaret Mitchell. Oui, Margaret Mitchell, qui est un peu Scarlett O'Hara, à la fois parce qu'elle a vécu ce genre d'aventure amoureuse, c'est une femme qu'on disait un peu libertine, aussi parce que sa famille est issue de cette guerre des sécessions, puisqu'elle est du Sud, et effectivement, elle a ses racines. D'autre part, c'est son seul roman. Et donc, c'est comme ça qu'elle sera connue. D'ailleurs, elle va mourir quelques années après la sortie parce qu'elle se rendait à une projection d'une des nombreuses fois où est sortie Autant n'emporte le vent. Et c'est là qu'elle va mourir. Certains vont dire c'est un complot parce que sûrement on a voulu se défaire d'elle. Donc, c'est effectivement une auteure de référence qui a vu son roman acheté tout juste un mois après sa parution. Incroyable. Encore récemment, en 2014, les Américains, quand on leur demandait les livres les plus importants d'après vous, numéro 1, la Bible, numéro 2, Autant en emporte le vent. À titre exceptionnel, mesdames et messieurs, ce soir, nous allons défier la morale au bénéfice de notre hôpital. Oh. Messieurs, si vous désirez ouvrir le bal avec la cavalière de votre choix, il vous faudra acquérir ce droit aux enchères. Oh. Allons, messieurs, un peu d'audace, faites-moi vos offres. Pas de cette pudeur, messieurs. $25 $25 pour mademoiselle Mabel Mary Weather. $35 pour mademoiselle Fanny Elsing. Allons, messieurs, un petit effort pour la cause. J'offre $150 en or. Pour quel cavalier? Pour madame Charles Hamilton. Pour qui, monsieur? Madame Charles Hamilton. Madame Hamilton est en grand deuil, capitaine Butler, mais je suis sûr que n'importe quelle jeune femme serait fière de... Docteur Mead. J'ai dit madame Charles Hamilton. Elle ne saurait accepter. Ah si, j'accepte! Ah, Michel Coulombe, qu'est-ce que ça raconte, cette histoire d'Autant en emporte le vent? C'est une histoire qui se situe au moment de la guerre de sécession et de la reconstruction, donc ce qui va suivre cette guerre. C'est construit autour d'une famille, celle de Scarlett O'Hara, qui est le personnage principal, une famille qui a une plantation, Tara, qui sera dévastée au moment de la guerre. Scarlett O'Hara est une jeune femme ambitieuse, vénale, capricieuse, manipulatrice, qui va se marier une première fois, elle devient veuve, une deuxième fois, encore veuve. Il y a ce Red Butler qui est là et qu'elle va finir par marier, mais c'est un quatrième homme qu'elle désire. Donc, une femme qui va toujours être en mouvement, qui est une femme extrêmement libre et qui cherche à être riche. Ouais. Elle a vraiment beaucoup d'ambition, mais bon, les sentiments amoureux, soit, mais elle les met vraiment de côté quand il y a possibilité, effectivement, de faire un gain quelque part. Et donc, sa rencontre avec Red Butler, ce sera la rencontre de deux personnes extrêmement égocentrique, parce que lui est un profiteur de guerre. Elle, effectivement, quelqu'un qui va faire son chemin par tous les moyens. Ils s'aiment, mais c'est cet amour électrique que l'un affirme, que l'autre ne dit pas, et quand un avance, l'autre recule, jusqu'à ce que ça éclate, puisque la fin est terrible, du moins pour Scarlett O'Hara. Ouais, donc, grande histoire d'amour romantique avec, en toile de fond, puis on va y revenir, mais tout cet épisode de la guerre de sécession. Ce film-là, c'est beaucoup, Michel, vous le disiez, c'est un grand classique d'Hollywood, et Hollywood fonctionne beaucoup à ce moment-là, puis encore aujourd'hui, à partir des projets de producteurs. C'est beaucoup, beaucoup le projet de David Selznick. Pourquoi il tient tant à faire ce film-là? Qu'est-ce qu'il veut faire avec Autant n'emporte le vent? Bien, d'abord, il achète le roman très rapidement, à peine est-il paru, sans l'avoir lu, parce que c'est un roman populaire. Et puis, il se méfie un peu parce qu'il a déjà fait un film sur la guerre civile et ça s'était plutôt mal passé. À partir de là, comme il a son studio depuis peu, il a travaillé pour d'autres studios, mais là, depuis 1935, il a son propre studio, il veut faire un grand film. Oui. Et il va vraiment maîtriser, contrôler toutes les étapes du film. La preuve, il y aura trois réalisateurs. ça fonctionne pas, il va vers un, il va vers l'autre. Il prend des décisions artistiques qui sont très, très claires. Il fait des choix, mais qui vont dans tous les sens, c'est-à-dire que c'est autant face aux médias qu'aux acteurs. Il est le maître d'œuvre de ce film. Si plein de gens passent effectivement dans ce projet, lui est toujours là. D'ailleurs, toute sa vie, il demeurera obsédé par Autant en emporte le vent, c'est-à-dire qu'il cherchera à connaître un aussi grand succès, ce qui, bien sûr, ne se produira jamais. Ouais. Et toute l'aventure du film, la préparation, l'écriture, vous le disiez, trois réalisateurs, le tournage, l'écriture, tout ça, c'est très, très compliqué. 16 scénaristes, vous vous rendez compte? Parce que Selznick, notamment, voulait garder l'esprit du roman. Il faut dire qu'il y avait quand même un problème. De nombreux lecteurs, donc des gens qui ne voulaient pas qu'on trahisse l'œuvre de Margaret Mitchell. Bon, c'est compliqué parce que le roman était effectivement foisonnant, très long. Donc, Selznick a travaillé, par exemple, avec Ben Hecht, qui était comme un excellent scénariste à une certaine période. Il a travaillé avec lui, j'entends. Et George Cukor, qui est le premier des trois réalisateurs. Ils ont enfermé, eux deux et lui, donc dans une pièce pendant une semaine, en disant, bon, pour la création, ce qui est bon, c'est manger des bananes et des arachides. Et ils vont faire ça pendant une semaine jusqu'à ce qu'ils doivent les sortir parce qu'ils sont dans un état lamentable. Il avait comme ça des tocades. Il se disait que, oui, il fallait contrôler le projet, au point, ce rapport au scénario, que à la toute fin du tournage, qui va quand même durer 6 mois, on écrit toujours sur les feuilles qui sont distribuées aux membres de l'équipe, scénario à venir. Ouais. Ce sera un scénario en constante transformation et toujours à chercher effectivement la meilleure façon de rendre l'esprit du roman de Margaret Mitchell tout en respectant les règles de la censure. Un petit mot sur les deux rôles principaux, parce qu'ils vont faire partie, Vivien Leigh et Clark Gable, de ce que ce film va devenir. Comment on en arrive à leur choix? D'abord, Clark Gable, dès que le roman est paru et qu'il a été question, puisqu'on en a parlé rapidement, ça durera quand même 2 ans, le processus de préparation. Donc, dès ce moment-là, la population américaine, les lecteurs de Margaret Mitchell disent c'est Clark Gable, c'est personne d'autre. Bon, ça pose un peu problème parce que il appartient à un autre studio et les acteurs appartiennent à un studio. Et lui, ça lui tente moyennement. Il négociera différentes choses contre, effectivement, sa participation au film. Puis il dit c'est un film de femme. Entre-temps, on avait un peu courtisé Gary Cooper qui lui disait « Ce sera le plus grand flop de l'histoire du cinéma américain. » On appelle ça un visionnaire. Hein? d'autre part, pour le rôle de Scarlett O'Hara, on a lancé un grand appel à débutantes. Donc, on a vu 1400 jeunes femmes, espérant effectivement trouver la perle rare. On n'a pas trouvé de ce côté. On s'est tourné vers des actrices plus connues, par exemple Catherine Hepburn, mais c'était exclu Catherine Hepburn parce que c'est une Yankee. Donc, une Yankee, c'était l'abomination. Il a été question à la toute fin du processus de sélection de Paulette Goddard, mais elle avait à ce moment-là une relation scandaleuse avec Chaplin. Donc, ça la rendait vraiment dangereuse pour la promotion. On ne pouvait pas se tourner vers elle. Et c'est donc une jeune Anglaise qui se présente, Vivien Leigh, qui a appris le rôle par cœur, qui connaît le roman, et qui se pointe au moment de l'incendie d'Atlanta, parce qu'on a commencé par tourner l'incendie sans avoir de Scarlett O'Hara. C'est elle qui convaincra donc le producteur, David O. Selznick, et les gens diront, oui, bon, finalement, une Anglaise, c'est moins pire qu'une Yankee. Et ça, c'est important parce que ça nous en dit beaucoup sur le moment où le film est tourné. Puis dans un instant, vous allez nous dire aussi, vous allez commenter ce qu'on va entendre tout de suite, parce que ça nous en dit beaucoup là-dessus. Là. Cet esprit du Sud qui teinte la production du film et qu'on voit au grand écran, le lancement comme tel à Atlanta participe de ça. Hollywood comes on wings of the wind to Atlanta, Georgia. For the event all Dixie, indeed all America, has been waiting for. Tout Hollywood arrive en force à Atlanta, en Géorgie, pour cet événement que toute l'Amérique attendait impatiemment. La première mondiale du film Autant en emporte le vent, avec la Britannique Vivien Leigh dans le rôle de Scarlett O'Hara. Et la voici, justement, qui arrive. Is played by Britain's own Vivien Leigh, and here she is. Producer David O. Selznick is here. Accompagnée par le producteur David Selznick. L'actrice principale est accueillie par des applaudissements à sa descente d'avion. Il y a aussi Olivia de Havilland, qui fait partie de ce groupe de célébrités, qui comprend également Carol Lombard et son mari, Clark Gable, qui incarne Red Butler, dans cette célèbre histoire qui se déroule durant la guerre civile. Toute la ville d'Atlanta semble être sortie dans la rue. La plupart des 300 000 habitants de la ville observent le défilé de célébrités tout le long de la célèbre Beachtree Street. Le cortège se déplace devant une foule en délire, puis arrive le moment tant attendu par tous les lecteurs américains lorsque le célèbre roman de Margaret Mitchell apparaît enfin à l'écran, avec Vivien Leigh dans le rôle de Scarlett O'Hara. With Vivien Leigh as Atlanta's Scarlett O'Hara. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, j'ai passé beaucoup de temps sur Beechtree Street cette année, si bien que maintenant que j'y reviens, j'ai l'impression de rentrer à la maison. Et votre chaleur, votre gentillesse et votre formidable accueil en font le retour le plus heureux que je pouvais imaginer. Je vous salue et je vous remercie du fond du cœur. La première d'OTAN en emporte le vent a lieu à Atlanta le 15 décembre 1939, Michel Coulomb, et c'est probablement aujourd'hui encore l'un des lancements de films, l'une des premières les plus spectaculaires de l'histoire. Rendez-vous compte, le gouverneur de la Géorgie décrète un congé férié dans tout l'État. Le maire d'Atlanta organise 3 jours de célébration, invitant la population à s'habiller en Scarlett O'Hara, en Red Butler, costume, coiffure, la totale, pour revivre cette période-là, ce temps béni. Je vous rappelle que vraiment, tout au début du film, on parle d'une civilisation emportée par le vent. Donc, c'est cette civilisation qu'on célèbre. La file des gens qui attendent de voir les vedettes s'étend sur 7000. Incroyable. C'est considérable. Et on a avisé la population, on leur a dit quand même, faites pas comme on a fait récemment dans un autre État. De grâce, ne déchirez pas les vêtements des acteurs. C'est pas correct. Les billets se vendaient 40 fois plus cher qu'à l'habitude pour cette soirée. Mais ne serait-ce que pour les projections régulières, c'était quand même 2 fois le prix normal, ouais, parce que c'était un grand événement. Il faut dire que c'est un film avec intermission, puisqu'il fait plus de 3h30. Et ce qui est célébré au cours de ces festivités entourant la première, c'est une certaine vision du Sud que montre bien le film. On y revient dans un instant. Vision du Sud complètement délirante. On parle carrément et de plus en plus de révisionnisme. On écoute à ce propos un extrait du documentaire Old South, New South, réalisé par Gary Leva en 2014. Vous allez y entendre les commentaires des professeurs d'histoire Randy J. Sparks, James C. Cobb et David Gottfield. Autant en emporte le vent est un excellent exemple de la façon dont la vision blanche du Sud de la période d'avant-guerre, cette vision sudiste de la Reconstruction, est véritablement devenue le mythe national dominant. C'est impressionnant. Il n'y a pas beaucoup de cas dans l'histoire où ce sont les perdants qui ont écrit l'histoire et non les gagnants. Where the losers write the history, not the victors. The hardest thing to teach students. La chose la plus difficile à enseigner et à faire comprendre aux étudiants, c'est que cette guerre portait sur l'esclavage. La première chose à faire est de défaire, en quelque sorte, l'image qu'Autant en emporte le vent propose de ce qu'était la guerre civile. Car il y a tellement de gens aujourd'hui, et pas seulement des sudistes, qui veulent croire que cette guerre portait sur n'importe quoi d'autre que l'esclavage. Who want to believe that it was about almost anything else. Mais quand vous arrivez à faire comprendre ce qu'était l'esclavage, que vous parlez du droit individuel de posséder des esclaves dans les États du Sud, que vous parlez d'autres questions comme les tarifs, les maîtres de poste ou quoi que ce soit d'autre, tout ramène de toute façon à l'esclavage. Whatever you're talking about, it all comes down to slavery. Je pense qu'il est important de garder à l'esprit que les sudistes n'ont pas été les seuls à adhérer à ce mythe. Ça a permis aux Américains, en général, de s'évader dans ce monde mythologique où tout semblait si parfait et où tout le monde était heureux. Everything seemed so perfect and everybody was happy. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est fascinant, Michel Coulomb. Parlons de ça, de cette vision du Sud que présente le film et peut-être aussi de l'état d'esprit. Au moment où le film est produit, au moment de cette première à Atlanta, où en sont les Américains par rapport à cette guerre de sécession? D'abord, il faut dire que dans le film, on présente une société où l'esclavagisme ne pose pas de problème. Les domestiques sont heureux, contents, satisfaits de leurs conditions et viennent à la rescousse de leur maître qu'ils vénèrent, qu'ils adorent. Donc, il y a des Blancs qui dominent, des Noirs qui sont à leur service. Il y a quand même une question d'acceptabilité sociale à laquelle Selznick et sensible, de sorte qu'on enlève ce qui était dans le roman, c'est-à-dire les références au Ku Klux Klan, ouais. Les lynchages de personnes de race noire. Ça, ça va pas. On n'utilise pas le mot « negro », qui est offensant. On va quand même utiliser le mot « darky », avec lequel on demande aux gens de race noire de composer. Lui va littéralement, Selznick, rencontrer les journalistes afro-américains les plus influents pour leur dire « voilà ce que je vous présente ». La société dans laquelle s'inscrit le film au moment où il sort est toujours ségrégationniste. Ouais. Parce qu'aux États-Unis, ben, ça tiendra officiellement, après, c'est pas sûr que ce soit complètement disparu, mais ça tiendra jusqu'à 1964. De sorte qu'il y a des endroits où les Noirs peuvent aller, d'autres qui sont réservés aux Blancs. La société fonctionne comme ça, plus particulièrement dans le Sud, où les traces de ce qu'était la période confédérée sont toujours là. Oui. Donc, on adoucit. On adoucit, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a de l'esclavage, mais tout ça est sympathique au fond. Et puis, ce contexte de 1939 dont vous nous parlez va se traduire très concrètement, c'est assez hallucinant, par un traitement complètement raciste que devra subir Hattie McDaniel, qui joue la bonne dans le film, et qui pourtant va recevoir, c'est la première fois qu'on va donner un Oscar à une noire, elle va recevoir un Oscar pour son rôle dans le film. Mais parlez-moi de ce contraste entre cet honneur énorme pour elle et pour tous les Afro-Américains et ce qu'elle va subir concrètement. D'abord, elle ne peut pas assister à la première. Elle est complètement exclue de la promotion du film parce que, bon, ça fait tâche. Elle peut pas. À la soirée des Oscars, on lui a réservé une place tout au fond de la salle. On a écrit son discours pour s'assurer qu'il n'y ait pas de débordement. C'est une actrice qui va choisir. Elle était d'abord une actrice comique. Ce film-là l'amène dans un registre plus dramatique. C'est une actrice, donc, qui va choisir de se mouler au monde des Blancs. C'est ce qu'on va lui reprocher, effectivement, ouais. Les militants de la cause afro-américaine, parce qu'elle accepte d'être une domestique. Elle ne conteste pas. Elle a un agent, comme les acteurs en ont un, mais son agent est blanc. Elle va choisir, après la sortie du film, de vivre dans un quartier réservé aux Blancs, ce qui posera problème. Hein. Ils sont quelques Afro-Américains à y vivre et on verra un affrontement social autour de ça. Mais c'est une femme, donc, qui fera son chemin en acceptant, effectivement, d'être celle qui fait ce qu'on lui demande. Et elle jouera régulièrement, comme ça, des rôles de domestique, donc assujettie à cette image qu'ont les Blancs de ce que devraient, de ce que peuvent être les Afro-Américains dans ce contexte. Un choix, donc, encore une fois, qui va être très critiqué par la communauté noire. Que certains jugent opportuniste, auquel on reproche son manque de courage. Il reste quoi de ce monument, de ce classique du cinéma aujourd'hui? C'est une référence culturelle partagée. Il n'y en a pas tant dans une société. C'est un film qui parle de la petite et de la grande histoire. C'est un grand mélodrame. C'est un classique absolu du temps des studios hollywoodiens. C'est aussi un des grands films du Technicolor qui est tout jeune à ce moment-là. Donc, cette façon de traiter la couleur qui est spectaculaire. C'est un film si important, je pense, pour les États-Unis qu'aujourd'hui encore, on n'ose pas en faire de remake parce que ce serait toucher quelque chose qui ressemble effectivement à un temple, à une référence inviolable pour l'ensemble des Américains. Michel Coulombe, chroniqueur cinéma à notre radio, à notre télévision, toujours un bonheur de vous recevoir. Merci Michel. Merci Jacques. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.